Sandra. Ouais. Tout est ma vie, tout est tout pour moi. Tout est mon iPod, ma PSP, mon sac à dos, mon ticket de métro. Cassandra, c'est une chanson de Dieu. Cassandra, sale connasse, j'aurais pu te traiter de sale pute, mais ce serait insulter les putes. Elles, elles ont pas choisi de faire ce métier. Toi, ton sexe, c'est un évier, ou plutôt une poubelle, mais en moins pratique, y'a pas les poignets pour la porter. Cassandra, j'aimerais mettre ton numéro de portable sur internet, pour que tu fasses insulter par tous les connards de la planète. Cassandra, j'aimerais t'envoyer à l'asile. J'aimerais coller des photos de toi à poil avec 5 mecs sur tous les murs de la ville. Ou plutôt non, juste sur les murs du pavillon de tes parents, à qui je souhaite de pas vivre très longtemps. Ça leur apprendra à avoir engendré une serpillérasse, radasse, pétasse et connasse. Cassandra, y'a pas assez de lettres dans l'alphabet pour écrire toutes les insultes que je te voudrais. Sale connasse, dans mes rêves tu crèves. Sale connasse, dans mes rêves tu crèves, sale connasse. Dans mes rêves tu crèves, sale connasse. J'étais Adam, t'étais mon aile. Cassandra, sale connasse, j'aimerais tellement que tu sois morte, ou que tu te cognes le pied dans un coin de porte. Mais tous les jours, jusqu'à ce que t'en meurs. Et je voudrais que tu te retournes un ongle toutes les heures, que t'étais règle toute ta vie, et que tu sois chauve à 26 ans aussi. Cassandra, pour toi et ta famille, j'ai réservé ma plus belle colique. Et je souhaite à ton chirurgien esthétique de devenir alcoolique, et à ton coiffeur de choper la Parkinson. Et pourvu que ton prochain mec soit Mike Tyson. Cassandra, j'aimerais que tu sois victime d'une erreur judiciaire, qu'on t'envoie tapiner dans un bordel de Buenos Aires, que tu crèves d'une overdose d'incontinence oculaire, dans une tempête de désespoir, balayé par une tempête de désespoir, dans une tempête de désespoir. Sale connasse, dans mes rêves tu crèves, sale connasse. Dans mes rêves tu crèves, sale connasse. Dans mes rêves tu crèves, sale connasse. J'étais Adam, t'étais mon aile. Cassandra, on était partis en lune de miel. Je t'avais payé un beau voyage aux Seychelles. On faisait la fête dans cette discothèque, et d'un coup t'as disparu, je te cherche, je te retrouve plus. Je te vois là sur la plage, en train de te faire déglinguer par la première ligne de l'équipe du Stade Français. Sale connasse, j'en ai vomi mes raviolis. Sale connasse, depuis ce mois d'avril 2007, j'essaye de t'oublier avec une vaginette. Pourquoi tu m'as fait ça? Toute ta famille doit y passer, même ton chien, même ton chat. Et ton poisson rouge en fait, il s'est pas noyé. Non, c'est moi qui l'ai mangé. De toute façon t'as des pellicules. De toute façon sans maquillage tu ressembles à rien. Dans Salope Magazine, tu fais la couverture. J'espère que tu vas crever. Sale connasse, sale connasse. Mais si tu veux, tu peux revenir quand même. Enfin, je t'attends, quoi. Pardon, c'est l'émotion. Gros bisous.